pas faire la resta. La fouine vient du rescoir, j'ai fait ma vie, j'ai fait mes choix, frimer ne m'intéresse pas. Je passais devant Footlocker avec des baskets trouées. Le manque de fric me fait pas peur, moi je suis fils d'ouvrier. Le portefeuille vide comme le frigo. J'avais des amis toxicaux qui pour une dose auraient troqué leur tricot. Des tours telles des montagnes et carrées dans les vallées. Au fin fond des caves telles des grottes, j'ai vu des filles avaler. Ok, dans l'escalier un grand se shoot sur le terrain, une balle de foot, une pierre tombale sur laquelle un nouveau nom s'ajoute. Et toute sa vie ma mère s'est cassée le dos square. Elle lavait le linge de ses 7 enfants tout seul dans la baignoire. C'était pour les riches de micro-ondes, les machines à laver. Tout le bien qu'elle a fait sur ses mains, toutes les traces qu'elle avait. Ok, je viens de loin, dis-moi qui peut me stopper. Le juge t'enverra au D1 même si tu dis s'il te plaît. Ok, je viens de loin et vu mon teint, je dois faire les choses bien, mais qui peut me stopper, renier mon identité, je peux pas essayer, mais qui peut me stopper? Je viens de loin, et vu mon teint, je dois faire les choses bien, mais qui peut me stopper? Renier mon identité, je peux pas essayer, mais qui peut me stopper? Mais qui peut me juger, mais qui peut me stopper? Moi j'ai trop purgé, des peines au QD, on peut en discuter. J'ai confondu la garde à vue et ma chambre. J'suis sorti avec Madame 5, aujourd'hui je renais de mes cendres. J'ai vu des dealers monter tellement haut, redescendre tellement bas. Mon pote pleure car son père le bat. Les maisons de disques prenaient mes skates pour des frisbees. J'ai tellement démarché, tellement Nesby, j'ai cherché l'inspi. J'avance depuis mon premier maxi, en pleine crise de délinquant. J'avance quoi que les gens disent, je suis sorti avec la rue. Amorti le vise, la poitrine, j'ai frappé droit au crime. Mon entraîneur c'est Abdelkrim. Ne jamais se mettre à table et plaider non coupable. J'ai rien vu, j'ai rien entendu, je ne suis pas responsable. Si je suis là, c'est qu'il y a la baraka et que j'ai une carapace contre ton mauvais œil, foire et ta race. Je viens de loin et vu mon teint, je dois faire les choses bien, mais qui peut me stopper? Renier mon identité, je peux pas essayer, mais qui peut me stopper? Je viens de loin et vu mon teint, je dois faire les choses bien, mais qui peut me stopper? Renier mon identité, je peux pas essayer, mais qui peut me stopper? Ces petits robes, personne ne peut les stopper. Personne à part le bon Dieu d'Arbeïda. Encore un de ces petits robes, personne ne peut les stopper. Personne à part le bon Dieu. Yeah, yeah. Encore un de ces petits robes, personne ne peut les stopper. Personne à part le bon Dieu. Ah oui. Encore un de ces petits robes. Encore un de ces petits robes. Encore un de ces petits robes. Non, je dois rien à personne. Quand je donne, ça vient du cœur. Personne n'était là quand maman pointait au resto du cœur. Personne n'était là quand les huissiers défonçaient ma porte. Quand les temps étaient durs et que la pauvreté portait ma force. Personne n'était là, pétage de plomb tout seul à Oni. Quand je suppliais un peu de tabac, putain de bâtard d'oxy. Personne n'était là, à part le bon Dieu et mes anges. À part la famille, à part quelques amis qui savent que je viens de loin et vu mon teint, je dois faire les choses bien, mais qui peut me stopper? Renier mon identité, je peux pas essayer, mais qui peut me stopper? Je viens de loin et vu mon teint, je dois faire les choses bien, mais qui peut me stopper? Renier mon identité, je peux pas essayer, mais qui peut me stopper?